Chapitre 5. Il y avait dans le premier bâtiment du couvent, près du porche d'entrée, deux salles destinées aux voyageurs, l'une pour leur repas, l'autre pour leur sommeil. Le frère Siméon se chargeait de les recevoir. Il accomplissait de grand cœur cette œuvre de miséricorde, et même y trouvait de l'amusement. Comme il était confiné depuis sa jeunesse, le récit de ces gens qui venaient de loin, après avoir vu les pays et enduré les aventures, lui ouvrait une large fenêtre, où il se penchait volontiers. D'ailleurs, il se gardait de leur accorder une extrême confiance, et distinguait sans trop d'hésitation la véracité du conteur et ses hableries. Les hableries ne l'offensaient pas, et il admettait que, suivant l'usage des poètes, les vagabonds se plussent à embellir leur anecdote plus modeste. Il ne les démentait pas, car il n'eût aimé ni à leur faire de la peine, ni à se priver de leur imagination. Puis, n'étant guère informé de l'univers, et ayant accoutumé de vivre dans l'espace étroit du couvent, ce reclus ne prêtait pas beaucoup de réalité à l'espace inconnu. Il en écoutait la description comme d'une chose un peu futile, et qui serait au gré d'un chacun. Mais il observa que les récits des voyageurs prenaient un sombre caractère, et une étrangeté un peu effarante. À l'abbaye des Pucelles, dans la ville d'Orléans, le Christ en pierre du portail pleurait sans discontinuer. L'on avait vu couler ses larmes longues, depuis ses yeux jusqu'à ses joues. Et comme Jésus a pleuré sur la ruine prochaine de Jérusalem, ne pleure-t-il pas cette fois sur un pareil dommage d'Orléans? À Tours, les gardiens de la grande église ayant ouvert la porte pour l'eau de Zématine, un loup entra, mordit la corde qui pendait à la cloche et carillonna. Un peu après ce tocsin, le feu prit à l'église, dont il ne resta pierre sur pierre. Il y avait la peste en Italie, et le Vésuve lançait des flammes qui montaient jusqu'à lécher les nuages. Il y avait en Gaule une terrible mortalité des plus nobles seigneurs et des pontifes les plus religieux. Siméon se disait que de tels événements, pour déplorables qu'ils fussent, n'étaient pas de grandes nouveautés. Que les plus nobles seigneurs et les pontifes les plus religieux sont mortels, comme Vilain et Moynihan. Que le feu du ciel n'épargne pas les églises les mieux bâties, et qu'on le sait bien, même si l'on ignore pourquoi Dieu le permet. Qu'enfin, si le Christ a pleuré, l'on n'est pas à douter que son grand amour du genre humain ne l'y engage. Il se disait ainsi que tout cela, qu'on pouvait croire sans niaiserie, n'était pourtant parole d'évangile ou spectacle qu'il eût de ses yeux contemplé. Un jour vint un Provençal, qui se vantait d'avoir été, par l'Hellespont et la mer de Marmara, au pays des Turcs infidèles. Et le fils de l'empereur, à Constantinople, s'était amouraché d'un fantôme, qu'il appelait la reine de Saba. Il avait glissé au doigt de cette ombre invisible, ou à lui seul visible, une bague de mariage, et la bague restait comme suspendue dans l'air, à la hauteur d'une main. Un Normand refusa de croire à ce prodige, et le frère Siméon ne l'approuvait pas de contredire un honnête homme qui, venant de loin, n'est pas forcé de soumettre sa fantaisie, ou peut-être son souvenir aux coutumes de nos cantons. Il craignit aussi que la verve du Provençal n'en fût affligée. Bien au contraire, celui-ci redoubla de zèle, multiplia les anecdotes et accumula les prodiges, parmi lesquels se confondit la reine de Saba. Une génisse au pays des Libyens avait mis bas un léopard. « Allez-y voir, dit le Normand. « Je t'y emmène, répliqua le Provençal. En Bohême, un nouveau-né, chenu de poils, tenait des propos scandaleux à faire monter la rougeur aux joues d'un vieux soldat. « D'y voir un peu si je vais rougir, lança le Normand. Siméon redoutait évidemment l'épreuve. Le Provençal le rassura d'un clin d'œil, répondit au Normand. « Balin, tu ne sais pas le parler, Bohême. » Le sommeil vint qui apaisa l'émulation de vantardise et d'incrédulité. Mais après que le Provençal et le Normand furent allés dormir, un doux vieillard, jusque-là silencieux, resta en compagnie de Siméon et lui conta qu'il arrivait d'Italie, où, fort une fête dans le négoce, il était allé visiter les églises de la chrétienté commençante. Il avait vu le clergé de Rome en état de singulière dissipation, qui étonnait le peuple naïf et le scandalisait. « Cela est fâcheux, dit le frère Siméon, mais il faut considérer qu'en surmontant de si rudes inconvénients et les avanies que ses enfants lui font, l'Église prouve sa pérennité. »« Assurément, répondit le marchand, c'est une opinion qu'il sied de répandre parmi les fidèles et de cacher au clerc qui en abuserait. J'en ai peur. » Mais à Ravenne, un grammairien nommé Vilgar, très savant homme, et qui sait lire en 12 langues, a ses nuits troublées par les démons. Ils lui apparaissent malignement sous les traits de Virgile, d'Horace et de Juvénal, lui recommandent la sagesse des païens, la déguisent d'une apparence chrétienne. Ils l'ont persuadé de croire aux mensonges, des poètes comme aux prophètes authentiques et aux précurseurs de Jésus. Le souvenir des études qui autrefois l'avaient séduit, le rappel du danger qu'il avait esquivé grâce à Dieu, touchèrent Siméon d'un émoi bizarre et à la fois doux et gênant. Il murmura « Enenos anducas in tentationem ». Et à ce mot de tentation, la sécurité où il était parvenu lui sembla très heureuse, bien que le caressât d'une étrange manière aussi le regret des délices mentales qu'il avait renoncées. Le marchand reprit. Saint Jean d'ailleurs a prédit tous ces mots, dans la prophétie où il déclare que Satan sera déchaîné au bout de 1000 ans. Veuille le Dieu puissant que la guerre finisse avant le monde, ou bien Michel aura tant de ferveur en pure perte.